50 languages. 100 100 100 الظروف adverbe adverbe في وقت مضى ابدا ليس بعد déjà pas encore déjà pas encore هل سبق ان كنت في برلين avez-vous déjà été à berlin avez-vous déjà été à berlin لا ابدا non pas encore non pas encore احد ما لا احد quelqu'un personne quelqu'un personne أتعرف أحدا هنا؟ Connaissez-vous quelqu'un ici? Connaissez-vous quelqu'un ici? لا, لا أعرف أحدا. Non, je ne connais personne ici. Non, je ne connais personne ici. لا يزال. لم يعد. Encore, ne plus. Encore. Ne plus. هل ستبقى طويلا هنا؟ Restez-vous encore longtemps ici? Restez-vous encore longtemps ici? لا, لن أطيل البقاء هنا. Non, je ne reste plus longtemps ici. Non, je ne reste plus longtemps ici. شيء آخر. لا أكثر من. Encore quelque chose, plus rien. Encore quelque chose, plus rien. أترغب في تناول مشروب إضافي؟ Voulez-vous encore boire quelque chose? Voulez-vous encore boire quelque chose? لا, لا أريد أكثر من ذلك. Non, je ne désire plus rien. Non, je ne désire plus rien. قد ليس بعد. Déjà quelque chose, encore rien. Déjà quelque chose, encore rien. هل أكلت شيئا؟ Avez-vous déjà mangé quelque chose? Avez-vous déjà mangé quelque chose? لا, لم أكل شيئا بعد. Non, je n'ai encore rien mangé. Non, je n'ai encore rien mangé. أحد ما. لا أحد. Encore quelqu'un, plus personne. Encore quelqu'un, plus personne. هل هناك أحد يريد قهوة؟ Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? Est-ce que quelqu'un voudrait encore un café? لا, لا أحد. Non, plus personne. Non, plus personne.